إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن من نظر إلى حال كثير من الناس اليوم جهة قبور الموتى والمقبورين فيها والمقابر فسيجد الاختلاف الكبير ويلاحظ المفارقة الشديدة بينها وبين ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية الثابتة الصحيحة وما نقل عن أصحابه رضي الله عنهم من أقوال وأفعال ثابتة وما قاله ودونه أئمة الإسلام في القرون الأولى وما بعدها وعلى رأسهم أئمة المذاهب الأربعة المشهورة فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن البناء على القبور ويرسل أصحابه رضي الله عنهم ليهدموا ما بني على القبور في زمن الجاهلية وأبيح لهم رفعها بالتراب عن الأرض نحو شبر حتى يعلم أنها قبور فيدعى لأهلها ولا تهان فتداس أو تلقى عليها القاذورات والعياذ بالله وهم أرشدهم الله يبنون عليها بل يوصون أبناءهم بالبناء على قبورهم من بعد وفاتهم ويتركون لهذا البناء مالا فهذا قد بنوا على قبره قبة صغيرة أو كبيرة وهذا قد بنوا على قبره بالأسمنت والرخام ونحو متر أو أقل وجعلوا في وسطه قبة صغيرة وهذا قد عمروا على قبره غرفة مجملة بالرخام والزخارف وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأخرج الإمام مسلم في صحيحه أيضا عن أبي الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وقال إمام أهل مصر الليث بن سعد رحمه الله كما في كتاب مختصر اختلاف العلماء يقول الإمام الليث بن سعد بنيان القبور ليس من حال المسلمين وإنما هو من حال النصارى انتهى كلامه سويت هذا الله كريني الله et sachez que celui qui observe aujourd'hui l'état des musulmans en ce qui concerne les tombeaux et ceux qui sont enterrés dans ces tombeaux et au sujet des cimetières, il va constater une grande divergence. Et il va constater une grande division, une grande différence entre ce qui a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ce qui a été fait par lui, comme cela a été rapporté dans les hadiths authentiques, et également ce qui a été rapporté par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme parole et comme action authentique, de même que ce que les grands imams de l'islam à travers les siècles ont rapporté au sujet des tombeaux et au sujet des cimetières. Et à la tête de ces grands imams, bien entendu, les quatre imams des madhahib très célèbres, en commençant par Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad, ils ont tous ramené les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des tombeaux et au sujet des cimetières. Mais on constate une grande différence entre ce qui a été rapporté dans les textes de l'islam et ce que les gens ont fait par la suite. On voit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire sur les tombeaux, et il envoyait même ses compagnons alayhi salatu wassalam pour détruire les tombeaux de la jahiliya. Et il a même permis de construire, ou de plutôt de surélever, d'élever la tombe, ou l'endroit où la personne a été enterrée. Il a permis seulement de faire que ce soit élevé de la longueur d'une main. C'est-à-dire que par-dessus la tombe, on remet la terre. Lorsqu'on a fini de remettre la terre sur la tombe, on ne peut pas élever cette terre plus que de la hauteur d'une main. Et c'est ça ce qu'il a permis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais rien d'autre doit être mis par-dessus ou construit par-dessus. Et ça, c'est la limite de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis. Et il a permis de faire ça pour qu'on puisse savoir qu'il y a à cet endroit-là une tombe, et donc qu'on puisse invoquer pour ceux qui ont été enterrés à cet endroit-là, et pour qu'on ne manque pas de respect à la personne qui est enterrée à cet endroit-là, et qu'on ne marche pas dessus ou qu'on ne jette pas dessus des saletés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également enseigné de ne rien construire sur les tombeaux, tandis que les gens d'aujourd'hui ils construisent des choses sur les tombeaux, et ils demandent même à leurs enfants après leur mort de construire une construction sur leur tombe après leur mort, et ils leur laissent même de l'argent pour pouvoir faire cette construction sur leur tombe après leur mort. Et donc certains demandent qu'on fasse sur leur tombe un petit dôme, hein, ou une petite, un petit sanctuaire, une petite mausolée, ou des choses de ce genre. Certains ont construit avec du ciment, d'autres avec du marbre, d'autres ont fait des constructions d'un mètre ou plus, et ils ont fait au milieu un dôme par-dessus. Et certains ont construit toutes sortes de décorations pour mettre sur leur tombe, et des embellissements, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté selon Jabir par l'imam muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de plâtrer les tombes, ou de s'asseoir dessus, ou de construire dessus. Et de même qu'il est rapporté par l'imam muslim également dans son sahih, selon Abi al-Hayyaj al-Asadi, qu'il a dit que Ali ibn Abi Talib lui a dit: ne vais-je pas t'envoyer dans une mission semblable à celle dans laquelle le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé? Et cette mission consiste à ne laisser aucune statue, excepté que tu l'as détruit, et aucun tombeau surélevé sur lequel on a construit quelque chose, excepté que tu nivelles, que tu le nivelles, c'est-à-dire que tu le rases au niveau du sol. Et il a été mentionné par l'imam de l'Égypte à l'époque, de l'imam Malik et des grands imams de Ahl Sunnah. À cette époque, l'imam en Égypte, c'était Al-Layth ibn Sa'd, rahimahullah. Et il a mentionné, comme c'est écrit dans le livre Mukhtasar Ikhtilaf al-Ulama, que de construire sur les tombeaux, cela ne fait pas partie de la situation des musulmans. C'est-à-dire, ce n'est pas des choses que les musulmans font, mais c'est uniquement quelque chose que les chrétiens, hein, que font les chrétiens. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Wa qala al-qadi, qadi bilad al-Yaman, Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, fi kitabih, شرح الصدور في تحريم رفع القبور اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم أولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاعلها كما يأتي بيانه ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين انتهى كلامه رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن اتخاذ القبور مساجد وببناء المساجد على القبور أو جعل قبور الموتى في المساجد أو جعل القبور أماكن للعبادة كالمساجد وبين لهم أن ذلك من فعل وهدي اليهود والنصارى ولعن من فعل ذلك فخالفوه أرشدهم الله وبنوا المساجد على القبور وقبروا موتاهم في المساجد إما في قبلتها وإما في وسطها وإما في مؤخرتها وإما في فنائها وأوصى أبناءهم بفعل ذلك لهم إن ماتوا وتركوا لهم مالا لفعل ذلك بهم وجعلوا القبور كالمساجد أماكن للعبادة من صلاة ودعاء للأموات والأهل والذرية وذكر لله وتهليل وتسبيح واستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وأخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة فيها تصاوير فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وثبت في مسند الإمام أحمد عند الإمامين ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء ومن يتخذ القبور مساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الكتابة على القبور سواء كانت قبور أنبياء أو صالحين أو آباء أو أمهات أو أبناء أو زعماء أو جنودا أو غيرهم وهم أرشدهم الله قد خالفوه فوضعوا على قبور الموتى رخاما أو حجارة أو ألواحا كتبوا عليها اسم الميت وزمن وفاته أو صورة كالفاتحة أو آية قرآنية أو أدعية مأثورة أو شيئا من أفعال الميت وصفاته أو أنه شهيد قتل في معركة أو قصف يعني وقد أخرج الأئمة كالإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي في سننهما بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه ومن أراد معرفة قبر ميته من أب أو أم أو ولد أو أخ أو صديق أو غيرهم ليزوروه فليضع حجرا من جنس ما في المقبرة. وقد أخرج الإمام أبو داود في سننه بإسناد حسن عن المطلب أنه قال لما مات عثمان بن مذعون أخرج بجنازته فدفن, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله, فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه ثم حملها فوضعها عند رأسه. قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن تزيين القبور وتجميلها وصبغها بالجص وغيره من المجملات والمزينات, وهم أرشدهم الله قد خالفوه وزينوها بالستور والأقمشة والرقاع المذهبة أو زخرفوها بالرخام المتلألئ الألوان أو زينوها بالنقوش المتعددة الأشكال والألوان أو بالخطوط العريضة المتنوعة أو بالورود والزهور ذوات الألوان والروائح الطيبة, وكأنها أماكن أفراج وأعراس لا أماكن خوف ورهبة وتذكر للآخرة وما فيها من حساب وجزاء. سبحانه الله le grand juge du Yémen de son époque Mohammed ibn Ali al-Shawkani, il a mentionné dans un livre qu'il a écrit au sujet de l'interdiction d'élever sur les tombeaux, il a dit: sachez que les gens sont tous d'accord parmi les savants de l'islam, ceux qui ont été précédents et ceux qui sont venus après, les premiers et les derniers des sahaba et ceux qui sont venus jusqu'à l'époque de l'imam al-Shawkani, que d'élever les tombeaux, de construire quoi que ce soit par-dessus fait partie des innovations de l'islam, dans l'islam, qui n'ont pas été permises et qui ont été interdites. Et la menace du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sévère contre celui qui le fait, celui qui construit sur les tombeaux. Et cela a été clarifié et sera clarifié. Et personne n'a contredit cela parmi tous les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire quoi que ce soit sur les tombeaux, ou de faire que les tombeaux soient des mosquées, de faire des tombeaux des lieux de prière et des lieux d'adoration, ou de faire des tombeaux des endroits d'adoration comme les mosquées. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que cela fait partie des exemples des juifs et des chrétiens, et il a maudit ceux qui faisaient cela. Mais malheureusement, certains musulmans ont contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont construit sur les tombeaux, et ont construit des mosquées sur les tombes, soit au devant de la mosquée, ou au milieu, ou au centre, ou en arrière, ou sur les côtés, ou sur les places qui sont collées à la mosquée. Et ils ont indiqué à leurs enfants de faire cela après leur mort. Et ils ont fait des lieux de prière des mosquées. Et ils ont fait des lieux de prière des tombes, ou des tombes des lieux de prière. Et ils font dans ces endroits-là des du'as, des salawats. Et ils demandent à Allah pardon, et ils invoquent Allah dans ces endroits. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des tombeaux des lieux d'adoration. Il a été rapporté par l'imam muslim, selon Jundub ibn Abdullah al-Bajali, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire 5 jours avant sa mort: certes, ceux qui vivaient avant vous prenaient les tombes de leurs prophètes et de leurs hommes pieux comme lieu d'adoration. Alors ne le faites pas, ne prenez pas les tombeaux comme des lieux d'adoration, car je vous interdis de le faire. L'imam Muslim et Al-Bukhari ont rapporté dans leur recueil de hadiths authentiques, selon Aïcha radiallahu anha, qu'elle a dit que Salama et Habiba ont mentionné ce qu'elles avaient vu en Éthiopie dans les églises, et qu'il y avait dedans des images et des dessins. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux-là, lorsque parmi eux meurt un homme pieux, eh bien ils construisent sur leur tombe des lieux d'adoration, ou des mosquées, ou des églises. Et ils dessinent à l'intérieur ce que vous avez vu comme image. Ceux-là sont les pires créatures auprès d'Allah. Et il est rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Khuzayma et Ibn Hibban, selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, parmi les pires des créatures ou les pires des hommes, il y a ceux qui vont être attrapés par l'heure du jugement dernier alors qu'ils sont vivants, et ceux qui prennent les tombes comme des lieux d'adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également interdit d'écrire sur les tombes, peu importe que ce soit les tombes des prophètes ou le tombe des hommes pieux, ou que ce soit des tombes de nos parents, de nos mères ou de nos pères ou de nos frères ou de nos dirigeants ou de nos soldats ou autres. Approchez-vous un peu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué, yani, de ne pas faire ce que les juifs et les chrétiens ont fait à ce sujet. Malheureusement, on constate que des musulmans ont fait exactement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. C'est-à-dire qu'ils ont fait sur leur tombe des pierres tombales avec du marbre ou avec des pierres, et ils ont mis des lois, yani, comme des tableaux ou des plaques avec des écritures dessus, où on écrit le nom de la personne ainsi que la date de son décès et de sa naissance, ou bien parfois on écrit surat al-Fatiha ou un verset de Coran ou des invocations, ou bien qu'est-ce que ce mort a fait durant sa vie ou des choses de ce genre. Et bien tout ça, ça fait partie des innovations et des choses interdites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a interdit, comme c'est rapporté par une chaîne de transmission authentique selon l'imam Abu Daoud et Al-Nasa'i, selon Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, il a interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de construire quoi que ce soit sur la tombe, ou d'augmenter la tombe avec quoi que ce soit, ou de la plâtrer, de mettre du plâtre dessus ou quelque chose de ce genre, ou d'écrire quoi que ce soit dessus. Et donc, certaines personnes se posent la question, mais si on n'a pas le droit d'écrire le nom de la personne, ni la date de sa mort et de sa naissance, comment on va faire pour savoir la tombe de qui est-ce? Eh bien, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré l'exemple de ça. À l'époque, à son époque, lorsque Uthman ibn Mad'un est mort, il a pris une pierre et il l'a mis à l'endroit où il était enterré, à la place de sa tête, et il a dit, je la mets ici pour savoir que mon frère est enterré et pour enterrer également le reste de ma famille. Et donc c'est pour dire que la façon dont on va distinguer une tombe d'une autre, c'est par justement le fait de mettre une petite roche ou une petite pierre parmi les pierres qu'on trouve dans le cimetière, mais pas de faire des pierres tombales ou d'écrire des choses de ce genre. Le malheur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate, c'est que les musulmans, sur quoi ils se basent pour faire des cimetières, ils se basent parfois sur l'exemple de ce qu'ils ont laissé dans leur pays d'origine. Et malheureusement, qu'est-ce qu'ils retrouvent dans leur pays d'origine, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qui est en accord avec ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné dans la sunna authentique. Parce que les gens, pour connaître leur religion et qu'est-ce qu'ils doivent appliquer, eh bien souvent ils se basent sur qu'est-ce que leurs grands-parents ont fait, ou leurs arrière-grands-parents. Et peut-être que leurs arrière-grands-parents étaient loin de la réalité de qu'est-ce que la sunna enseigne. C'est pour ça qu'il faut retourner au texte authentique du Coran et de la sunna pour comprendre et savoir comment on doit faire les choses et non pas de se baser sur ce que les gens se sont donné comme tradition, comme héritage culturel, qui sont parfois des héritages qui sont corrompus par les innovations et par l'éloignement du Coran et de la Sunna. Et beaucoup de musulmans à l'époque actuelle, eh bien, ils veulent faire des cimetières comme ceux des juifs et des cimetières comme ceux des chrétiens, et ils ne tiennent pas compte des enseignements de l'islam à ce sujet. Et l'exemple de ça, c'est ce qu'on voit qui se répète après, époque après époque et siècle après siècle. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم فدل هذا الحديث النبوي على تحريم جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ويتحقق جعله عيدا بقصده بالزيارة والاجتماع في وقت معين عائد يعود في السنة أو في الشهر أو الأسبوع إذ العيد اسم لما يعود ويتكرر في زمن معين وسمي يوم الفطر ويوم الأضحى عيدا لأنهما يعودان ويتكرران في نفس الوقت من كل سنة ودل أيضا على أن الدعاء له بالصلاة عليه الصلاة والسلام يكفي من أي مكان ويبلغه ولا يشترط أن يكون عند قبره وإذا كان هذا النهي والمنع منه صلى الله عليه وسلم في حق قبره فقبور غيره من البشر أولى بالنهي والمنع والتحريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام بعدهم من أهل القرون الأولى وعلى رأسهم أئمة المذاهب الأربعة المشهورة لم يكن من هديهم التمسح بالقبور واستلامها بالأيدي والخرق وتقبيلها بالأفواه إذا زاروها حتى لو كانت قبور أفضل الناس وأكثرهم علما وصلاحا وهم أرشدهم الله إذا زاروا قبور الأولياء والصالحين تمسحوا بها بأيديهم وأبدانهم وثيابهم وقبلوها بأفواههم طلبا للبركة واستشفاء بها من الأمراض وقد نقل العلامة النووي رحمه الله في كتابه المجموع عن الإمام ابن الحسن الزعفراني يقول واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعا وينبغي تجنب فعله وينهى فاعله انتهى كلامه رحمه الله البروفيت صلى الله عليه وسلم a interdit de prendre sa mosquée ou plutôt de prendre sa tombe comme un Eid, de venir régulièrement pour la visiter à une date spécifique chaque année. Et il a dit, et envoyez vos saluts sur moi et vos invocations, car elles m'arrivent de où je suis, peu importe où vous êtes. Si vous êtes quelque part et vous invoquez la bénédiction et la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle va lui parvenir, peu importe où vous êtes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc interdit qu'on choisisse une date de l'année pour aller à sa tombe et la visiter de façon comme le font malheureusement certains musulmans dans les pays musulmans qui retournent aux tombes des awliya, des hommes pieux et des saints chaque année pour faire des fêtes ou bien pour faire des pèlerinages. Tout ça, c'est des choses qui ont été interdites et il y a du shirk là-dedans. Et donc, il faut savoir aussi que certaines personnes, quand ils voient l'exemple de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils s'imaginent que la façon dont elle a été construite aujourd'hui, c'est de cette façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait laissée à sa mort. Et donc, ce n'est pas le cas, puisque à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans sa mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été enterré dans la maison de Aïcha radiallahu anha. Et c'est des siècles après que les gens ont fait des agrandissements de la mosquée et puis ils ont incorporé la chambre de Aïcha radiallahu anha à l'intérieur des murs de la mosquée. Mais à l'origine, ce n'était pas le cas. Et il n'a jamais permis que une tombe soit à l'intérieur d'une mosquée. Et donc c'est pour cette raison qu'il faut bien comprendre que qu'est-ce qui se passe à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas enterré dans sa mosquée, mais qu'il est enterré dans la maison de Aïcha radiallahu anha, qui ne faisait pas partie de la mosquée à l'origine. Et donc, le fait que certains soufis dans les pays musulmans essaient de justifier le fait qu'ils sont enterrés dans leur mosquée ou à côté de leur mosquée, collés dans leur mosquée, ils essaient de prétendre que ça s'est permis parce que à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans la mosquée, et ça c'est un mensonge. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des tombes, des mosquées, ou de faire des mosquées un cimetière, hein, et de prier dans les endroits où il y a des tombes. Donc ça c'est très important. De même que certaines personnes qui, lorsqu'ils visitent les tombes, vont les embrasser, les caresser, essayer de chercher la baraka des tombes. Et tout ça, bien entendu, c'est contraire à la sunna et ça fait partie des innovations. Et il y a une chose aussi qui est importante de mentionner en terminant cette khutbah, et c'est le fait que, étant donné que nous, on n'est pas dans un pays musulman, à cause de ça, on est soumis à certaines contraintes qui sont des choses qui sont en contradiction avec l'islam. Comme le fait, par exemple, d'être enterré dans des cercueils. Et on sait que dans l'islam, il est interdit de mettre un corps dans une boîte ou dans un cercueil. On l'entoure dans un linceul et on le met dans la terre. Et c'est ça la sunna. Donc c'est interdit d'être enterré dans un cercueil. Et donc, étant donné que on est dans un pays qui l'ordonne et qui l'oblige par la loi, et donc ça c'est une contrainte qui nous incite et qui nous oblige de contredire l'islam. Également, on n'a pas le droit d'être enterré dans un cimetière des koufars. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être enterré dans un cimetière des juifs et des chrétiens ou des autres religions. Dans le cimetière musulman, il doit y avoir que des musulmans et non d'autres religions. Et on n'a pas le droit non plus d'enterrer des koufars dans le cimetière musulman. De même que dans certains pays, et même qu'est-ce que certains musulmans à Montréal veulent faire maintenant, c'est de construire des carrés dans un cimetière chrétien qui est exclusif aux musulmans, mais ça fait partie du cimetière des koufars. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été interdit. Et il y a des fatwas des ulama à ce sujet. Et qu'est-ce qu'on constate de la part de certains musulmans? C'est qu'ils veulent imiter les cimetières des juifs et des chrétiens, avec des pierres tombales, avec des écritures, avec tout qu'est-ce qui est contraire à la sunna. Et on voit que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne supporte pas ces actions-là, et ne supporte pas ces choses-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hein, dans plusieurs hadiths, « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum » Celui qui imite un peuple, il est un des leurs. Et il a dit dans un autre hadith, « Latattabi'unna sanana man kana qablakum, shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in, hatta walau dakhalu juhra dabbin ladakhaltumuh. Qil, ya Rasulallah, al-Yahud wal-Nasara, qala faman » C'est-à-dire, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. Jusqu'à ce que si l'un d'entre eux décide de rentrer dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre dedans. Et ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Il a dit, qui d'autre? Et donc on n'a pas le droit de faire des cimetières semblables à ceux des juifs ou semblables à ceux des chrétiens. Et c'est certain qu'on a un cimetière musulman à Montréal, dans les alentours, Et c'est certain qu'il ne respecte pas tous les principes et toutes les règles de la charia de l'islam, mais malgré tout, c'est le moindre mal, puisqu'on n'a pas d'autre chose. Mais que des musulmans veuillent, à cause de certaines fautes ou certaines choses qui ne sont pas idéales, ouvrir un cimetière chez les chrétiens ou une partie d'un cimetière chez les juifs ou chez les chrétiens pour faire un cimetière à l'image de ce que les koufars ont dessiné ou ont fait comme cimetière, ça c'est contraire à l'islam. Et donc c'est important de penser à ça. Et si vous voulez être enterré dans un vrai cimetière musulman, eh bien dans ce cas-là, vous voulez, parce que beaucoup de musulmans, ils se font, lorsqu'ils meurent, transporter leur corps dans les pays musulmans. Et ça coûte beaucoup d'argent aussi. Environ 6 000 $ par personne, juste pour faire d'ici à Montréal à certains pays musulmans. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Donc si vous voulez éviter tous ces problèmes, la meilleure chose, c'est d'aller vivre dans les pays musulmans et de faire en sorte d'être enterré dans un pays musulman où vous n'allez pas être en contradiction avec l'islam. Ça, c'est l'idéal. Et ça fait partie des enseignements de l'islam aussi, de faire la hijra, c'est-à-dire de quitter les pays non musulmans pour aller vivre dans les pays musulmans. Et ça, c'est un devoir à chacun d'entre nous, lorsqu'il en a la capacité de le faire. Lorsqu'il a terminé, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? De partir vivre dans les pays musulmans. Ça c'est qu'est-ce que l'islam ordonne et enseigne. Mais par contre, sinon, on fait qu'est-ce qu'on peut, dans le sens que on a un cimetière pour ceux qui sont morts ici, pour éviter de gaspiller de l'argent inutilement à envoyer chaque fois des corps rapatriés dans les pays musulmans. Soit vous allez vivre dans les pays musulmans et vous êtes enterré là-bas, ou soit vous êtes enterré là où vous êtes mort. Et les sahaba, quand ils partaient, lorsqu'ils allaient conquérir les différentes contrées, là où ils mouraient, c'est là où on les enterrait. Donc c'est ça la sunna. Mais, comme je vous dis, si on est pris dans des contraintes et des choses qui nous obligent à faire des choses qui sont contraires à l'islam, pourquoi dans ce cas-là ne pas faire des efforts pour éviter tout ça en allant là où on sait qu'on sera enterré? On sera enterré islamiquement. ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس بأي أرض تموت. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et aucune âme ne sait ce qu'elle va acquérir demain, et aucune âme ne sait dans quelle terre elle mourra. Donc rappelez-vous de la mort, parce que quand on pense à la mort et on se rappelle de la mort, ça nous rattache à la réalité et ça nous ramène à la réalité de pourquoi on vit et de comment on doit vivre notre vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. حادوا بين المناكب والأقدام. Les talons avec les talons et les épaules avec les épaules. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.